Le porte-parole de la direction du Nord du Comité national d'enquête spéciale sur les crimes des Juaïs a publié le 12 une communication pour critiquer les conservateurs sud-coréens qui ont formé de connivence avec leur suzerain américain l'amicale des anciens troupiers américains en Corée du Sud. Il a indiqué « Les conservateurs sud-coréens projettent d'installer des succursales de l'amicale à Séoul et à Washington avant la fin de l'année. Ils seront admis ceux qui ont fait le service dans les troupes d'occupation américaines en Corée du Sud après la fin de la dernière guerre de Corée, ceux qui sont en service et les soldats sud-coréens appartenant aux troupes d'agression américaines, au total plus de 3,5 millions. L'amicale sera patronnée par la fondation de l'Alliance sud-coréenne-américaine mise sur pied en avril dernier. La fondation sera chargée des paiements des bourses d'études aux enfants de ceux à l'intérieur des États-Unis avec la carrière de service militaire en Corée du Sud, de la prime pour les soi-disant officiers et soldats américains exemplaires, des frais de voyage en Corée du Sud des officiers et soldats en retraite et d'autres. La somme nécessaire sera investie par les autorités sud-coréennes telles que l'Office de collation d'État, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères et les personnes des milieux financiers et de presse de Corée du Sud. La fondation de l'amicale par les conservateurs sud-coréens est une démarche antinationale qui révèle toute la hideur des pauvres vallées des États-Unis. Les troupiers américains banditistes en Corée du Sud causent toutes sortes de malheurs à la population sud-coréenne et perpètrent des crimes cruels plus de 70 ans. Justifier la domination coloniale en Corée du Sud et les mener de guerre contre le Nord et sucer tout le sang des Sud-Coréens sous le pavillon de l'amicale, voilà l'intention sournoise des États-Unis. On ne peut jamais pardonner la haute trahison des pro-américains qui ont mis sur pied l'amicale comparable à la conclusion du traité de défense mutuelle sud-coréen-américain. Sans balayer les serviles à l'égard des États-Unis, les Sud-Coréens resteront toujours esclaves, victimes des brutalités des agresseurs américains, du gouvernement traître et fasciste et de la politique antipopulaire des traîtres. C'est un fait très évident.